C'est alors qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, fit naître dans l'esprit de la fille d'Icare le désir d'apparaître aux yeux des prétendants pour attiser leur cœur et redoubler l'estime que lui vouaient jadis son fils et son mari. Et, suivant son dessein, la déesse aux yeux pères versait un doux sommeil à la fille d'Icare. Cependant, qu'en son siège, Pénélope dormait, les membres détendus, la tête renversée, cette toute divine, l'ornée de tous ses dons immortels, pour charmer les yeux des Achéens. Quand elle eut achevé et qu'elle eut disparu, voici qu'elle arriva devant les prétendants, cette femme divine, et, debout au montant, de l'épaisse embrasure, ramenant sur ses joues ses voiles éclatants, tandis qu'à ses côtés veillaient les chambrières, et que des prétendants, les genoux flageolaient sous le charme d'amour. Ils n'avaient tous qu'un vœu, être couchés près d'elle. Aussitôt s'avançant, l'un de ses prétendants, Eurymaque, adressa ces mots à Pénélope. « Fille d'Icare, ô toi, la plus sage des femmes, si tous les Achéens de l'Argos ionienne te voyaient, Pénélope, combien d'autres encore viendraient en prétendant s'asseoir en ce manoir dès l'aube et banqueter? Aucune femme au monde n'égale ta beauté, ta taille et cet esprit pondéré qui t'anime. » La plus sage des femmes, Pénélope reprit. « Ma valeur, ma beauté, mes grands airs, Eurymaque, les dieux m'ont tout ravi. Lorsque, vers Ilion, les Achéens partirent, amenant avec eux Ulysse, mon époux. Ah, s'il me revenait, pour veiller sur ma vie, que mon renom serait et plus grand et plus beau. Je n'ai plus que chagrin, tant le ciel me tourmente. Le jour qu'il s'en alla, loin du pays natal, il me prit la main droite au poignet et me dit, « Ma femme, je sais bien que de cette Troade, nos Achéens guetterés ne reviendront pas tous. On dit que les Troyens sont braves gens de guerre, bons piquiers, bons archers, bons cavaliers, montés sur ces chevaux rapides, qui dans le grand procès du combat indécis sont les soudains arbitres. Le ciel me fera-t-il revenir en Ithaque? Dois-je périr là-bas en Troade? Qui sait? Tu resteras ici et prendras soin de tout. Pense à mes pères et mères. Pour eux, en ce manoir, reste toujours la même. Sois plus aimante encore quand leur fils sera loin. Plus tard, quand tu verras de la barbe à ton fils, épouse qui te plaît et quitte la maison. » Oui. Et je l'entends encore, et tout s'est accompli. Je vois venir la nuit odieuse où l'hymen achèvera ma perte, puisque Zeus m'enleva, ce qui fut mon bonheur. Mais pour me torturer et l'esprit et le cœur, voici des prétendants aux étranges manières. Pour plaire à filles nobles et de riches maisons, on lutte, à qui mieux mieux, de générosité. » Elle disait. La joie vint au divin Ulysse. Il avait tout compris, le héros d'endurance, qu'elle flattait leur cœur par de douces paroles pour avoir leur cadeau et cacher ses desseins. Antinoos, le fils de Pythèse, répondit. « Fille d'Icare, ô toi, la plus sage des femmes, laisse-nous apporter chacun notre cadeau et prends-le, Pénélope, car présent refusé fut toujours une insulte. Mais jamais nous n'irons sur nos biens ni ailleurs avant de t'avoir vu accepter pour époux l'Achéen de ton choix. » À ce discours d'Antinoos, tous applaudirent, et chacun au logis envoya son héros pour chercher un présent. En bas, on se remit pour attendre le soir au plaisir de la danse et des chansons joyeuses.